Mes amis, je suis rentré depuis hier dans une profonde déprime. Qu'est-ce qui t'arrive? Je croyais pouvoir tenir le choc, mais non, c'est trop rageant, alors j'enrage. Cette fois encore, je n'ai pas obtenu de prix littéraire. Et pourtant, j'avais mis le paquet. Surtout pour avoir le prix féminin. Je m'étais dit, avec un jury 100% radasse, je devrais m'en sortir. J'avais convoqué les filles pour une lecture personnalisée pour qu'elles comprennent mieux mon message. J'ai passé en revue les principaux chapitres de mon œuvre sobrement intitulée « Helmut, un parcours dégueulasse au service des grognasses ». Mesdames, mesdemoiselles, c'est avec plaisir que je vais lire devant vous certains passages clés de mon livre. Il y aura d'abord de la haine, puis de l'émotion suivie, d'un peu d'érotisme. À toi, femme battue, femme humiliée, femme qui souffre, je suis à tes côtés dans la tourmente, dans le doute et dans l'attente. Tu as une grande gueule, mais on ne t'écoute pas. Tu as un grand cœur, mais ça, on n'en veut pas. Tu as des grosses fesses, et c'est tant pis pour toi. Ce monde si masculin n'est pas ton ami et tu te sens exclu. Alors si tu as peur, alors si tu es faible, viens voir Helmut Perchu. Oh, à toi, femme fragile qui rêve seulement d'une vie plus docile jonchée de sentiments. Je sais que ton désir n'est pas pharaonique. Ton plaisir peut venir d'un amour rachitique. Je n'ai qu'une chose à dire à ma douce prochaine. Garde donc le sourire. Un jour, tu seras ma chienne. Ah, mes raclures. Ah, mes salopes. Vous êtes impurs et rarement propres. Au fond de vous, toujours sommeille l'envie quand vous pète la corbeille. Vous êtes vicieuse, vous êtes salace, prête à suivre un vieux dégueulasse. Vous avez de la chance, mes cocottes. Le père Helmut, il a une grosse hôte. Cette année, vous ne serez pas déçus. Pour Noël à vous toutes, je ferai pipi dessus. Voilà, mesdames du jury, je vous remercie pour votre attention ainsi que pour le prix que vous ne pouvez que maintenant me décerner. Eh ben, mon Christophe, ça n'a pas marché. J'ai pas eu le prix féminin. Quelle bande de morues égoïstes. Y a pas de justice. Quand je pense qu'elles veulent la parité, je les déteste. Allez, au Wiedersehen, faut que j'aille goûter au Beaujolais nouveau. C'est aujourd'hui. Ça va te remettre le moral, ça. Ça promet. Au Wiedersehen.